Le pied de la croix, les douleurs de Marie par le révérend père Frédéric William Faber, édition Brereton. Markemdanarchive.org. D'après la numérisation de la bibliothèque Sainte-Geneviève. Licence Creative Commons, pas d'usage commercial, partage à l'identique. Chapitre 7, sixième douleur, la descente de la croix. Les ténèbres de l'éclipse s'étaient dissipées et les vraies ombres du soir commençaient à tomber. La croix se détachait sur le calvaire en face de la lumière que le soleil couchant avait laissée à l'occident derrière. Le spectacle du jour était terminé, la foule des habitants de la cité s'était retirée, et le courant de leurs pensées se portait ailleurs. On ne voyait plus sur le sommet de la montagne que les quelques personnes qui s'étaient occupées à descendre Jésus de la croix, ou qui apportaient de la ville des aromates pour embaumer son corps. Marie était assise au pied de la croix, tenant le corps inanimé de son fils couché en travers sur ses genoux. Bethléem est-elle revenue pour vous, ô ma mère, et avec elle les jours de la belle enfance? Il y a une grande variété de douleurs humaines. Il est difficile de les comparer les unes aux autres, parce que chacune d'elles a son caractère particulier, et que chaque caractère a comme une éminence de souffrance qui lui appartient, et à laquelle ne participe aucune autre douleur. Aussi peut-il facilement arriver qu'une affliction qui en elle-même paraît moindre qu'une autre, puisse en réalité être plus grande, à cause du temps dans lequel elle arrive, des circonstances qui l'accompagnent, ou de la place qu'elle occupe dans une série d'autres afflictions. C'est là le cas de la sixième douleur, la descente de la croix. Elle est l'affliction d'un mal consommé, et, à cet égard, elle diffère aussitôt de la tension cruelle que nous éprouvons en voyant d'avance les maux qui viennent fondre sur nous, ou de la lutte que nous soutenons contre une calamité présente, au moment même où elle accomplit son œuvre. Notre propre expérience ne nous permet pas d'ignorer cette différence. Au moment même où nous souffrons, nous ne nous rendons pas parfaitement compte des efforts que nous faisons. Tout notre être se lève pour faire face à ce que nous avons à endurer. Des facultés de souffrir, que nous n'avions pas soupçonné jusqu'alors, se découvre soudainement. Peut-être aussi recevons-nous alors une somme de secours surnaturel plus grande que celle que nous recevrons plus tard. Mais quand la pression a diminué, et que la lutte est terminée, nous sentons l'épuisement de nos forces causées par la douleur. L'accablement de la douleur, comme la fatigue corporelle, vient quand tout est fini. Nous nous raidissons, pour ainsi dire, et notre cœur commence à souffrir plus sensiblement, dans la tranquillité apparente qui suit le malheur. La réaction se fait sentir par une dépression qui est presque plus pénible à supporter que la souffrance actuelle. Moins parce qu'elle est intrinsèquement plus grande que cette souffrance, que parce qu'elle la suit. Et qu'étant elle-même l'épuisement de nos facultés de souffrir, elle n'a plus rien pour la soutenir. Il arrive aussi, la plupart du temps, que par une miséricordieuse cruauté de la Providence, nos devoirs ordinaires ou même quelquefois de nouveaux devoirs auxquels notre douleur a donné naissance, se présentent à nous, et réclament notre énergie et notre attention. Mais c'est là aussi une chose difficile à supporter, bien qu'elle empêche souvent la réaction de la douleur d'aller trop loin. Nous avons rarement un plus grand besoin de la grâce qu'au moment où nous recommençons à nous livrer au devoir de notre position, après une interruption causée par une affliction plus qu'ordinaire. C'est comme si nous recommencions la vie avec des avantages. Nous avons peut-être plus à faire, et voilà que nous sommes moins capables d'action. Nous avons épuisé nos facultés de supporter l'affliction. Et au moment précis où la violence de nos maux se dissipe, surviennent de nouveaux devoirs qui, soit par contraste, soit par des rapports, rouvre nos anciennes blessures. Comment endurerons-nous sa nouvelle souffrance? D'ailleurs, un chagrin excessif, même lorsqu'il ne dure que peu de temps, semble avoir un pouvoir particulier pour détruire les habitudes. Les choses même les plus difficiles deviennent aisées pour nous, lorsque nous y sommes accoutumés. Mais, après une violente douleur, tout paraît étrange et nouveau. Nous avons perdu notre ancienne facilité. Les objets ont changé de place dans notre esprit. Les choses faciles sont maintenant difficiles à cause de cette nouveauté même. Cependant, la vie est inexorable. Il faut qu'elle continue, et sous les mêmes lois, comme une machine impitoyable qui ne peut sentir, ni, par conséquent, avoir aucune indulgence. Notre mérite est alors soumis à une épreuve plus grande que celle des coups du malheur. Tel fut le caractère de la sixième douleur, et telle fut la place qu'elle occupa dans les douleurs de notre Sainte Mère. Pensons au crucifiement et à tout ce qu'il renfermait, et voyons si la réaction de la douleur de Marie ne dut pas probablement être quelque chose dont il nous est impossible de nous faire une idée juste. Tout immense qu'est la sainteté de son cœur immaculé, la douleur peut encore y trouver quelque chose à faire. Elle peut élever l'édifice à une plus grande hauteur, aussi bien qu'embellir ce qui est déjà construit. L'âme de Jésus passa dans la terre au pied du calvaire, et descendit dans les limbes. Marie était toujours au pied de la croix. Elle comprenait dans toute son étendue le vaste mystère de la séparation de ce corps et de cette âme, la mort du Fils de Dieu. L'âme avait quitté Marie, mais le corps lui restait. Dans la douleur suivante, le corps sera éloigné aussi, et alors la mère sera réellement seule. Ordinairement Dieu ne se retire pas tout d'un coup. Il épargne la faiblesse de l'âme et la quitte presque insensiblement, après des faveurs spéciales et une union plus intime, de même que le parfum s'exhale du vase qui le contenait. Les deux malfaiteurs sont encore dans leur agonie près du corps inanimé de Jésus. Pour l'un d'eux cette proximité comme la présence consolante du Saint-Sacrement, il éprouve ce sentiment que nous connaissons si bien dans nos peines, et qui ne ressemble à nul autre. Pour l'autre, il n'y a pas maintenant de consolation, mais il est encore temps pour lui. Marie prie toujours, car elle ne cesse jamais tant qu'il reste à ses plus chères espérances la moindre base sur laquelle elle puisse s'appuyer. Le Jésus vivant n'est pas si éloigné qu'il ne puisse entendre le larron impénitent si celui-ci pousse seulement un cri. Mais le malheureux a fait son choix et il y persiste. La vie qui reste en lui ne fait que profaner à chaque instant le calvaire. Le crucifiement est une mort lente, et renferme plusieurs sortes de tourments. Parmi ceux-ci il faut compter la rupture des jambes des patients, qu'on ne perçoit pour ajouter à la torture déjà infligée, lorsque la durée en est devenue fatigante et sans intérêt pour les ministres de la justice vengeresse, soit par une sorte de pitié féroce, afin d'hâter le terme du supplice. C'est pourquoi les bourreaux s'approchent du sommet du calvaire pour consommer ainsi le châtiment de ceux qu'ils ont crucifiés. Ils viennent armés d'un fort marteau ou d'une lourde barre de fer d'un poids suffisant pour fracturer promptement les membres en les frappant. Il était terrible pour Marie d'entendre le sourd craquement de la chair et des os, et les cris d'agonie des misérables suppliciés, dont l'un était aussi le fils de sa seconde maternité, le premier-né de ses prières. Mais des paroles ne sauraient exprimer l'angoisse qu'elle ressentit lorsqu'elle vit les exécuteurs s'approcher du corps de Jésus. La terre ne renfermait rien qui fût, même de loin, aussi sacré. Quoique mort, ce corps était uni à la divinité, et par conséquent avait droit aux honneurs les plus complets de l'adoration divine. Le toucher avec rudesse était un sacrilège horrible, mais écraser les membres, briser les os était une profanation trop effroyable pour que notre pensée même s'y arrête, trop révoltante pour la religion de Marie. Et son amour pouvait être insensible à cette idée? La vie, il est vrai, s'était retirée, mais le corps inanimé était-il moins digne de tendresse que quand la vie avec sa beauté l'animait? Que les cœurs qui ont pleuré sur des morts répondent. Jamais l'amour ne se répand avec une plus douce tristesse sur des yeux brillants de la vie, qu'il ne le fait sur ceux qui sont fermés par la mort. Pour l'œil de l'amour, le pâle visage est devenu doublement beau. Les grâces des anciennes années se sont placées sur ce visage. Le calme suprême et sans expression qui y règne a un charme particulier. Ses lèvres serrées parlent avec une muette éloquence qui leur appartient. Ce corps glacé répond à notre amour, non seulement pour lui-même, mais aussi pour l'âme, et nous trouvons qu'il satisfait à cette double dette. Ces restes inanimés, nous les appelons lui et non le corps, parce que pour notre tendresse ils sont réellement la personne elle-même que nous aimions. Ainsi des mères ont pleuré sur leur fils, après que la dignité de l'âge mûr avait depuis longtemps mis fin aux caresses. Mais maintenant les temps anciens sont revenus. Les familiarités de l'enfance sont revenues avec l'impuissance passive plus absolue qu'autrefois, peut-être quelques traits enfantins d'autrefois se retrouvent aussi, et le chagrin se repaît doucement de la beauté de marbre de ce cadavre. Qui ne connaît cela? Mais si le commun des affligés, si nous-mêmes, dont le chagrin se distrait si promptement, nous pouvons sentir tout cela avec tant de vivacité, quel doit avoir été l'amour inexprimable de Marie pour le corps de son fils qui était Dieu aussi? Elle ne parla pas. Sa voix ne rompit pas le silence et ne se mêla pas au gémissement des malfaiteurs mourants, mais le silence de sa prière parlait haut dans le ciel. Les hommes brutaux virent que Jésus était mort, et ils renoncèrent à leur dessein. Ce qui arriva, pour que l'écriture fût accomplie, vous ne briserez pas un de ses os. Mais il y avait encore une autre parole de l'écriture à accomplir. Ils verront celui qu'ils ont percé. La prière de Marie fera que la première de ces paroles de l'écriture soit accomplie, mais non qu'aucune douleur soit épargnée au cœur de la mère. Sa prière fera accomplir la parole de Dieu, mais elle n'éloignera pas le sacrilège. Cette seconde parole de l'Écriture sera en vérité un des glaives de Siméon. Soit par suite d'un doute sur la réalité de la mort de notre Seigneur, soit simplement par suite de la licence d'une autorité peu accoutumée, en un tel temps et dans de tels lieux, à rendre compte de ses propres actes, un des soldats s'approcha et enfonça sa lance dans le côté droit de notre Seigneur, à travers son corps et son sacré cœur, et aussitôt de la blessure sacrilège s'échappa du sang et de l'eau dont une partie, dit-on, jaillit sur les membres du larron pénitent, comme si c'était un baptême extérieur ou une visible absolution donnée là où la grâce intérieure avait déjà accompli son œuvre céleste. Il serait long de dire de combien d'amour touchant cette blessure du cœur de notre Seigneur était la figure et le symbole. Elle a été l'objet de la douce contemplation de saints innombrables. La lance a ouvert un asile, un refuge, un ermitage dans ce cœur blessé pour les âmes de tous les siècles et surtout pour celles de nos derniers jours. Là elles ont trouvé un abri au milieu des afflictions et des épreuves, elles se sont renouvelées au milieu des ennuis de leur exil et se sont mises à couvert loin des querelles et d'un monde méchant. La véritable gloire de la dévotion au précieux sang est que cette blessure du Sacré-Cœur montre que notre Seigneur bien-aimé versa pour nous chaque goutte de son sang. Pour ces raisons et pour beaucoup d'autres, La blessure faite au cœur de Jésus est l'une de nos plus grandes consolations spirituelles. Mais nous avons à la regarder ici comme une des principales douleurs de Marie. La pensée du corps inanimé de notre Seigneur répand une ombre dans l'esprit et courbe l'âme dans un sentiment profond de vénération. Ce corps était là suspendu à la croix, à la clarté d'une après-midi du mois de mars, pâle, tout couvert de taches d'un sang noir, et défiguré par des plaies presque innombrables. Il n'y avait sur la terre nul objet aussi sacré, il était digne de l'adoration la plus divine. Tout alentour, des troupes d'anges invisibles l'adoraient. Toutefois, tandis qu'il était adorable, il était aussi dépourvu de toute puissance. Il semblait que le Saint-Sacrement eût été laissé au sommet d'une montagne sur la vie publique. Cet objet d'un culte divin était la propriété des chefs qui venaient de consommer l'inexprimable péché du crucifiement. Il était, par le fait, au pouvoir de vils exécuteurs qui pouvaient en faire ce qu'ils voulaient, certain qu'aucune ignominie qu'ils pourraient lui faire subir ne serait censurée. C'est une chose vraiment effrayante qu'un objet si sacré fût laissé dans un tel péril, si près du mal, dans une telle probabilité d'outrage effroyable. La mère était là, le cœur plein d'adoration, mais impuissante comme le corps lui-même. Si elle suppliait, ses supplications ne feraient que suggérer le sacrilège. Elle ne ferait que stimuler la nature brutale de ceux à qui elle s'adresserait. Il était donc là suspendu à la croix, à la disposition du premier venu, la propriété de tous, excepté de sa mère, de celle qui avait fourni le sang très doux dont le Saint-Esprit l'avait formé. À ses côtés, de misérables criminels se tordaient dans leur dernière agonie. En bas, la cité était en fête, et se préparait à commencer le repos du sabbat. Mais le corps victime a déjà commencé son sabbat, ses tourments ont cessé, et il repose. Les exécuteurs se retirent, les soldats romains, à cheval, montent et descendent la montagne. Il faut que ce qui reste de l'exécution soit enlevé avant que le sabbat commence. Ce corps n'appartient pas à la croix, il appartient à un trône sublime et inimaginable placé à la droite du Père éternel. Ici personne ne le sait, excepté sa mère, et elle se tait. Elle reste silencieuse parce qu'elle n'a pas le droit de parler, et parce que ses paroles feraient plus de mal que de bien. Que de fois dans le monde Dieu ne nous effraie-t-il pas par cet abandonnement apparent de lui-même et de tout ce qui lui est le plus cher. Et il semble que c'est la force même de notre amour qui rend notre foi si faible. C'est pour ceux que nous aimons le plus tendrement que nous concevons les craintes les plus vives. L'amour de Dieu apporte dans le cœur un grand nombre de nouveaux instincts. Tout nobles et tout célestes, ils ne ressemblent nullement à ce que les hommes appelleraient des développements plus beaux et plus héroïques. Pour les apprécier avec justesse, le discernement spirituel est nécessaire. Ils ressemblent si peu à ce que produit la terre, qu'ici bas ils ne doivent s'attendre à rencontrer que soupçons, mésintelligence et aversion. Au point de vue de la controverse, il n'est pas aisé de les défendre, car notre controverse est obligée de commencer par établir la question, sous peine de ne point partir de la même base. Les axiomes du monde passent couramment dans le monde, mais il n'en est pas ainsi des axiomes de l'Évangile. Aussi le monde a-t-il des procédés particuliers. Il nous fait taire en parlant plus haut que nous. Il nous juge devant un tribunal où notre condamnation est d'avance assurée. Il en appelle à des principes qui sont fondamentaux pour la plupart des hommes, mais qui sont des hérésies pour nous. Nous sommes étrangers, et, comme tels, nous devons en payer la peine. Si nous sommes mal compris, nous n'avons pas le droit de compter sur autre chose, étant, comme nous le sommes, hors de notre patrie. Nous sommes faits pour qu'on se rie de nous. Au ciel, nous serons compris. Malheur à ces chrétiens trop faciles que le monde peut comprendre et tolère volontiers, parce qu'il les voit disposés à faire des compromis. L'amour des âmes est un de ces instincts que l'amour de Jésus fait naître dans nos cœurs. Pour le monde, cet instinct est du prosélytisme, le simple désir d'augmenter sa faction. C'est un des développements égoïstes de l'esprit de parti. Tantôt on le flétrit sous prétexte de morale relâchée, tantôt on lui reproche une rigidité pharisaïque. Car ce que le monde semble le moins soupçonner dans la religion, c'est l'inviolabilité des principes. Mais l'amour des âmes, quelque apostolique qu'il soit, est toujours subordonné à l'amour de Jésus. Nous aimons les âmes à cause de Jésus, et non Jésus à cause des âmes. Ainsi, il y a des temps et des lieux où nous passons de cet instinct d'amour divin à un autre, de l'amour des âmes à la haine de l'hérésie. Ce dernier sentiment offense le monde d'une façon toute particulière, il est tellement contraire à l'esprit du monde, que, même dans des cœurs croyants et bons, tout ce qui reste de mondanité se soulève en armes contre cette haine de l'hérésie. C'est un levain qui aigrit les caractères les plus doux, et qui corrompt plus d'une œuvre glorieuse de la grâce. Main convertie, dans l'âme duquel Dieu aurait voulu faire de grandes choses, marche vers son tombeau comme un exemple d'avortement spirituel, parce qu'il n'a pas voulu haïr l'hérésie. Le cœur qui balance dans sa haine de l'hérésie n'est pas encore converti. Dieu est encore loin d'y régner avec une souveraineté sans partage. Les routes d'une sainteté plus élevée sont fermées devant lui. Suivant le jugement du monde et celui des chrétiens mondains, cette haine de l'hérésie est exagération, aigreur, indiscrétion, elle est immodérée, déraisonnable, exigeante, bigote, intolérante, étroite, stupide, immorale. Que pouvons-nous dire pour la défendre? Rien qu'il puisse comprendre. Ce que nous avons de mieux à faire est donc de nous taire. Si nous comprenons Dieu et qu'il nous comprenne, il ne nous est pas si difficile de parcourir la vie soupçonnée, mal compris et impopulaire. L'opinion doucereuse de certaines bonnes gens sans discernement spirituel adopte aussi les vues du monde, et nous condamne, car la timide bonté a une assurance et un semblant de douceur qui sont loin de Dieu, et leurs instincts de charité portent de préférence vers ceux qui sont le moins hardis pour Dieu, tandis que leur timidité est assez hardie pour censurer impitoyablement. Il y a des conversions dans lesquelles les trois quarts du peuple restent en dehors de l'Église, sans partage, tandis que l'hérésie ne peut être haïe que par un cœur. Si cette dernière nécessité est pénible, il nous faut cependant la subir. On ne peut guère, en jouissant du plein usage de ses sens, s'attacher à prouver au monde, à l'ennemi de Dieu, qu'une haine complète et catholique de l'hérésie est le fait d'un esprit droit. Nous pourrions aussi bien chercher à forcer un aveugle à juger d'une question de couleur. L'amour divin nous place dans un cercle différent de vie, de motifs, de principes, qui non seulement n'est pas celui du monde, mais qui est en inimitié directe avec lui. Au point de vue mondain, les cratères de la Lune sont des choses moins inexplicables que nous, chrétiens, ne le sommes avec nos instincts surnaturels. De l'horreur de l'hérésie, nous arrivons à un autre de ces instincts, l'horreur du sacrilège. La peine que nous font éprouver des paroles profanes ne semble au monde qu'une sentimentalité exagérée. L'esprit de pénitence et de réparation dont toute l'Église est pénétrée, aux yeux du monde, superstitieux ou faux. La douleur immense que ressentent les serviteurs de Dieu lorsque le Saint-Sacrement a subi un contact profane, provoque soit la colère, soit la dérision du monde. Les hommes considèrent cette douleur, soit comme tout à fait absurde en elle-même, ou du moins hors de toute proportion, et s'ils ont, d'ailleurs, des preuves de notre bon sens, ils sont disposés à attribuer notre douleur à une pure hypocrisie. Le fait même qu'ils ne croient pas comme nous croyons nous met encore hors de portée pour être compris charitablement. S'ils ne croient pas même à l'existence de nos mystères sacrés, comment jugeront-ils de la douleur extrême d'une âme à laquelle ces objets sacrés sont de beaucoup plus chers qu'elle-même? Or, il est important d'avoir tout cela présent à notre esprit, tandis que nous considérons la sixième douleur. Le cœur de Marie était rempli, comme jamais cœur de saint ne le fut, de ces trois instincts touchant les âmes, l'hérésie et le sacrilège. Il y avait dans son cœur trois grands abîmes de grâce, d'où naissaient continuellement de nouvelles facultés de souffrir. D'ordinaire, la passion nous oppresse, c'est une dévotion fatigante. Il en est nécessairement ainsi à cause de l'effort qu'elle exige de l'âme, aussi bien par ses horreurs que par l'adoration profonde qu'elle excite en nous à chaque instant. Ainsi, lorsque notre Seigneur meurt, nous éprouvons un sentiment de repos. Pendant un moment, nous sommes tentés de penser que les douleurs de la Sainte Vierge auraient dû se terminer là, que la sixième et la septième douleur sont presque de notre invention, et que nous mettons notre imagination à contribution pour remplir le tableau, suivant les règles, avec les ombres foncées de l'affliction. Mais ce tableau est seulement une des manières par lesquelles notre dévotion aux douleurs élève et rend plus profonde notre dévotion à la passion. Ce n'est pas notre imagination que nous mettons à contribution, mais notre discernement spirituel. Dans ces deux dernières douleurs, nous sommes conduits à des raffinements plus grands de souffrance, à des délicatesses plus incompréhensibles d'affliction, parce que nous avons à nous mettre en rapport avec une âme rendue encore plus merveilleuse qu'elle ne l'était auparavant, par la grandeur des afflictions qu'elle a souffertes. Ainsi, le coup de lance donné dans le côté de notre Seigneur était bien le plus épouvantable sacrilège qu'il fût alors au pouvoir de l'homme de commettre sur la terre. Pénétrer par force dans le sein des saints du temple, profaner sa sainteté redoutable par toutes sortes d'abominations païennes, qu'était ce que tout cela en comparaison de l'outrage fait au corps adorable de Dieu? Ce serait en vain que nous essayerions de nous élever à une juste appréciation de l'horreur dont cet outrage remplit le cœur de Marie. Notre amour de Dieu manque de pénétration, et notre perception des choses divines, de subtilité. Nous ne pouvons sentir que d'une manière approximative, et c'est déjà bien assez terrible. Nous avons déjà parlé de mères veillant au lit de mort de leur fils. C'est là la forme de la douleur humaine qui se présente le plus naturellement à nous, quand nous sommes avec Marie sur le calvaire. Lorsque la longue lutte est enfin terminée, et que le cœur brisé a trouvé au moins une sorte de soulagement parce que l'objet de son amour n'a plus à souffrir. Lorsque ce cœur s'est doucement emparé de la forme inanimée qui lui reste pour s'en faire un sanctuaire, et presque un refuge contre la douleur, alors la moindre rudesse, le moindre manque de respect, le plus trivial déshonneur pour le corps inanimé ne serait-il pas, pour la mère, une douleur nouvelle et terrible? Y a-t-il sur la terre une mère qui pourrait supporter de voir de ses propres yeux même la main bienfaisante de la science, qu'elle aurait elle-même invoquée, s'efforcer de découvrir dans quelle retraite résidait le mal mystérieux qui a enlevé son enfant? Ne serait-ce pas pour elle comme si elle voyait un objet sacré profané devant ses yeux? La peste avec ses cruelles exigences, avec sa prompte sépulture, ses rudes serviteurs, son horrible tombereau et sa fosse à chaux vives, a des outrages plus cruels encore. La pauvre mère, dans le délire de son amour, croit trouver encore tout chaud de vie le cadavre qu'elle ne se lasse point de dévorer du regard, et avant que le sang ait eu le temps de se figer ou les membres de se refroidir, ce corps lui est arraché, comme s'il ne lui appartenait pas, par des employés qui ne sont pas les plus tendres des hommes, car leur office est des plus rudes, rudes même dans l'œuvre de sage pitié qu'ils remplissent. Puis les jeter sur le tombereau des morts avec un monceau d'autres victimes de la peste, et porter ainsi à une tombe ignoble, et jeter pêle-mêle avec les autres dans le charnier. Un chagrin récent est si tendre, si sensible et si peu capable d'endurer qu'on le touche. La pensée de la douleur dont nous venons de parler n'est-elle pas terrible? Et cependant cette douleur est peu de chose si on la compare à l'agonie que souffrit la Sainte Vierge lorsque le corps de Jésus fut outragé par la lance, elle est incommensurablement moins grande en elle-même, et tombe sur un cœur qui, bien que plein de douceur et d'amour, est incommensurablement moins capable de souffrir que ne l'était celui de Marie. Mais elle approche de la douleur de Marie, et c'en est comme une ombre. Élevons-nous encore plus haut. Un saint est à l'autel accablé par l'acte redoutable qu'il accomplit. Son cœur est prêt de se rompre d'amour pour Dieu, pour ce Dieu incarné qui est devant lui sur le corporal. Des hommes pécheurs et farouches se jettent sur lui, soit par suite d'un tumulte populaire, soit pour toute autre cause. Tout revêtu de ses vêtements sacrés, il est entraîné avec violence, loin de cet autel auquel il s'attache comme l'animal s'attache à ses petits qu'on veut lui ravir. Il voit le Saint-Sacrement jeté à terre, le précieux sang coulant sur les marches de l'autel. Le corps et le sang foulés avec mépris et blasphème, sous les pieds des scélérats. Le spectacle de cette heure a été marqué, comme en trait de feu. Dans l'âme du saint prêtre, il n'en oubliera jamais rien. Aucun excès de pénitence ne sera suffisant pour satisfaire son ardent désir de réparation. De longues années plus tard, il frémira au milieu de ses prières, et les larmes couleront en abondance sur ses joues lorsqu'il se rappellera l'horreur infinie de cet effroyable péché. C'est là un chagrin au-dessus des chagrins ordinaires, un chagrin placé comme dans un sanctuaire, et auquel les âmes saintes et choisies peuvent seules participer. Et cependant qu'est-il comparé à la douleur de Marie lorsqu'elle vit la lance atteindre le flanc inanimé, et le mouvement, semblable à celui de la vie, que fit le corps quand le cœur fut percé, et la palpitation semblable au battement du pouls, avec laquelle le sang et l'eau suivirent la lance qui se retirait? Autant le saint est inférieur à Marie en sainteté, autant l'est-il dans ses douleurs. Un ange dit à sainte Brigitte que le choc fut si terrible pour la sainte Vierge que, sans un miracle, elle serait morte à l'instant. Une épée plongée dans son propre cœur aurait été mille fois moins douloureuse. Il est étrange combien les grandes grâces sont souvent voisines des grands péchés. Longin avait péché sans connaître toute l'horreur de son crime. Néanmoins c'était une action cruelle, et plus cruelle encore s'il savait que la mère était présente. La cruauté était surtout moins excusable en lui, s'il est vrai, comme la tradition le dit, que la main de Dieu pesait lourdement sur lui. On rapporte qu'il souffrait d'un mal Dieu qui le menaçait d'une cécité totale, et il se peut que cette imperfection de sa vue ne lui permettant pas de s'assurer autrement de la mort de Jésus, il dépassa les limites de sa charge et perça le corps de sa lance. Quelques gouttes de sang tombèrent sur son visage, Et la tradition rapporte que non seulement l'infirmité de ses yeux fut instantanément guérie, et que l'usage complet de la vue lui fut rendu, mais encore, que par un miracle plus merveilleux, la vue de son âme devint brillante et claire, et qu'il confessa sur le champ la divinité de celui dont il avait ainsi osé insulter le corps, au risque de devenir lui-même le meurtrier de notre Seigneur. Personne ne s'étonnera d'entendre dire à Marie d'Agreda que chez Longin, comme chez le larron pénitent, la grâce de la conversion fut la réponse à la prière de Marie. Le fait même d'avoir servi d'instrument pour accroître la douleur de Marie, lui donnait un titre spécial aux prières de notre Sainte Mère. Une autre petite troupe d'hommes s'approche maintenant du calvaire, et, à leur regard fixe, il est facile de voir que Jésus est l'objet de leur arrivée. Apporte-t-il quelque nouvel outrage, quelque nouvelle douleur pour Marie? Ils apportent une nouvelle douleur pour Marie, mais non un nouvel outrage. Ce sont Joseph d'Arimathie et Nicodème, accompagnés de leurs serviteurs, tous les deux étaient des disciples de notre Seigneur, mais en secret, car c'étaient des hommes timides. Joseph était un sénateur, homme de bien et juste, qui n'avait pas consenti aux desseins ni aux actions des autres, parce qu'il attendait aussi le royaume de Dieu. Nicodème était un homme instruit dans les Écritures, le même qui venait trouver Jésus pendant la nuit, de peur des Juifs, et qui avait appris de lui la doctrine de la régénération. Joseph était allé trouver Pilate, auprès duquel il avait probablement accès en sa qualité de sénateur, et il lui avait demandé le corps de Jésus qui lui avait été accordé. Il avait alors, comme saint Matthieu nous l'apprend, apporté un linceul blanc pour en envelopper le corps, et il était allé prier Nicodème de l'accompagner au calvaire. Nicodème, comme le dit saint Jean, apportait avec lui environ 100 livres d'une composition de myrrhe et d'aloès. Suivis de leurs aides, ils s'approchèrent de la Sainte Vierge avec la vénération et la sympathie les plus profondes, lui dirent ce qu'ils avaient fait, et lui demandèrent la permission de descendre le corps de la croix. Avec des cœurs remplis de la plus tendre dévotion aux douleurs de la Mère Immaculée, ils s'approchèrent de la croix et firent leurs préparatifs. Ils dressèrent l'échelle contre la croix. Joseph monta le premier et Nicodème le suivit. Marie, Jean et Madeleine restèrent immédiatement au-dessous d'eux. Il semblait que quelque grâce surnaturelle s'échappa du corps adorable et les environna, calmant et subjuguant toutes leurs pensées, enflammant leur cœur d'amour divin, et les tenant en silence dans l'adoration la plus vive et la plus profonde. Les anciens jours se représentèrent au cœur de la mère, ainsi que le souvenir de l'autre Joseph qui avait eu si souvent le privilège de toucher aux membres et à la chair sacrée du Verbe incarné. C'eût été de son office de descendre Jésus de la croix. Mais il était allé au lieu de son repos. Et un homme qui portait son nom prenait sa place, et il était à la fois doux et pénible pour Marie qu'il en fût ainsi. Un Joseph avait donné à Jésus ses bras pour s'y reposer, l'autre allait lui donner son propre sépulcre pour y demeurer, et l'un et l'autre le firent passer de leurs bras dans ceux de Marie. Il est étrange combien les hommes timides deviennent souvent tout à coup pleins de hardiesse. Ces deux disciples qui craignaient de confesser leur maître quand il vivait, bravent maintenant la publicité, tandis que les apôtres demeurent cachés dans leur retraite. Heureux l'un et l'autre, par quelle douce familiarité et par quel précieux rapprochement de lui-même, Jésus ne récompense-t-il pas à cette heure dans le ciel leur pieux service? D'une main douce, hardie et tremblant à la fois, comme si sa timidité naturelle s'était développée en une vénération surnaturelle, Joseph saisit la couronne d'épines, Elle la soulève délicatement de la tête sur laquelle elle était fixée, la détache de la chevelure entremêlée, et, sans oser la baiser, il la passe à Nicodème. Celui-ci l'attend agent de qui Marie la reçoit, en tombant à genoux, et avec une dévotion telle que nul autre cœur que le sien ne pouvait en contenir de semblable. Chaque pointe, teinte de sang, paraissait comme douée de vie, et, en pénétrant dans le cœur de Marie, elle inoculait en elle de plus en plus profondément l'esprit de la passion de Jésus. Qui pourrait dire avec quelle vénération, tandis que le corps glacé était une fournaise d'amour céleste brûlant contre son cœur, Joseph détachait les clous de manière à ne pas meurtrir ni mutiler les mains et les pieds sacrés qu'il perçait. C'était une tâche si pénible que nous sommes portés à croire que les anges lui prêtèrent leur assistance. Chaque clou était passé en silence à Marie. C'était des grâces étranges que celles qui découlaient alors vers elle par les mains de son nouveau fils, et cependant c'était des grâces qui ne manquaient pas d'analogie avec les dons que Jésus avait faits à Marie durant ses 33 années. Jamais encore la terre n'avait vu une adoration de douleur telle que celle avec laquelle la Sainte Mère se penchait sur ses muettes reliques à mesure qu'elle descendait de la croix, couverte comme d'une croûte, peut-être même encore mouillée par ce précieux sang qu'elle adorait dans son union indissoluble avec la personne du Verbe incarné. Mais de quelle agonie toute cette adoration n'était-elle pas accompagnée? Quelle nouvelle blessure tous ces instruments de la passion ne faisaient-ils pas dans ce cœur? Quelles anciennes blessures n'y rouvraient-ils pas? Il devait venir encore une plus grande douleur. Le corps fut détaché de la croix, la foule des anges se pressait de plus en plus alentour, et des transports d'amour pénétraient d'une félicité extatique leur grande intelligence. Marie est agenouillée sur le sol, ses doigts sont tachés de sang, elle place le linceul blanc sur ses bras et les étend pour recevoir son fils, son enfant prodigue, qui lui est revenu ainsi. Et n'était-il pas un enfant prodigue? N'avait-il pas quitté volontairement sa demeure paisible pour aller dans le plus sauvage et le plus farouche des mondes, à des milliers de lieues de la pureté et de l'amour immaculé de sa mère? N'avait-il pas dépensé tout son bien pour des compagnons indignes et méprisables? Ne l'avait-il pas dissipé dans une espèce de débauche qui avait duré 18 heures? N'avait-il pas été prodigue de son précieux sang, de sa beauté, de son innocence, de sa vie, de sa grâce, de sa divinité même? Et maintenant dans quel état revenait-il auprès de sa mère? Peut-il y avoir un nom pour une telle accumulation de douleurs concentrées? Marie pourra-t-elle en supporter le poids? Mais quel poids, celui de la douleur ou celui du corps? N'importe, elle peut les supporter l'un et l'autre. D'en haut, le corps descend lentement, Marie se rappelle l'heure de minuit à laquelle le Saint-Esprit la couvrit de son ombre à Nazareth. Maintenant, c'est le Fils éternel qui couvre si étrangement de son ombre sa mère à genoux. Joseph tremblait sous le fardeau, même tandis que Nicodème l'aidait. Peut-être aussi n'était-ce pas le fardeau seul qui le faisait trembler, il fallait que la grâce le soutînt d'une manière merveilleuse pour qu'il pût remplir son office. Voici que le corps est apporté, Jean peut toucher la tête sacrée et la recevoir dans ses bras pour qu'elle n'éprouve aucune secousse, et Madeleine soutient les pieds, c'est là son ancien poste. C'est maintenant votre poste dans les cieux. Ô la plus sublime des pénitentes, la plus belle des âmes qui ont reçu leur pardon. Pendant un moment, Marie se prosterne dans une agonie de muette adoration, et l'instant d'après, elle reçoit le corps sur ses bras étendus. Le petit enfant de Bethléem est de nouveau sur le sein de sa mère, Quelle réunion dans quel état lui est-il rendu? Pendant quelques moments, elle reste agenouillée, tandis que Jean et Madeleine, Joseph et Nicodème et les pieuses femmes adorent. Ensuite, elle passe de l'attitude du prêtre à celle de la mère, elle se relève, portant toujours le fardeau aussi légèrement que quand elle s'enfuyait avec Jésus en Égypte, et elle s'assied sur l'herbe, avec Jésus étendu sur ses genoux. Avec la tendresse la plus minutieuse, elle lisse ses cheveux, elle ne lave pas le sang de son corps, ce sang est trop précieux, et bientôt Jésus aura besoin de l'avoir tout entier, aussi bien que celui qui est sur les chaussures des hommes, sur le pavé de Jérusalem et sur les racines des oliviers de Gethsémani. Mais elle ferme chaque plaie, chaque marque de la flagellation, chaque piqûre des épines, avec un mélange de myrrhe et d'aloès que Nicodème a apporté. Il n'y avait pas un trait du visage sacré de Jésus, pas une marque sur sa chair sacrée qui ne fût à la fois pour Marie une nouvelle douleur et tout un volume des méditations les plus profondes. L'âme de Marie parcourut la passion sur le corps de son fils, comme le voyageur suit ses excursions sur la carte. Le calme même de son occupation, la concentration même de ses pensées que rien ne distrayait, semblait la rendre capable de descendre de plus en plus profondément dans les souffrances de son fils, et de les plaindre avec une amertume plus intérieure qu'auparavant. Dans aucune des premières scènes de sa douleur, elle n'avait jamais eu un plus grand besoin de pouvoir sur elle-même pour réprimer les gestes et les explosions naturelles du chagrin, que depuis qu'elle était assise à la lueur de cette soirée de printemps avec le corps inanimé de son fils sur ses genoux, pensant, remettant en ordre les innombrables traces d'ignominie et de souffrance qui y étaient si profondément empreintes. C'était en vain que les oiseaux faisaient entendre leur chant du soir, depuis que le poids de l'éclipse n'appesantissait plus leur petit cœur. Elle n'accordait d'attention ni au parfum que les pousses des figuiers laissaient s'échapper dans l'air rafraîchi, ni aux bourgeons verts qui s'ouvraient, ni à la beauté printanière des tendres rameaux, car sa fleur avait été cruellement cueillie et gisait flétrie sur ses genoux. Elle accomplit sa tâche comme un acte de religion, avec une assiduité grave, sans s'arrêter pour satisfaire la douleur dont son cœur était rempli. Le corps inanimé semblait aussi obéissant envers elle que l'avait jamais été le petit enfant à Bethléem. Il était obéissant en toutes choses, excepté en une seule. Elle dit à Sainte Brigide que les bras étendus ne pouvaient se fermer, qu'il restait de côté ou en travers sur la poitrine. Nous devrions dire qu'il ne voulait pas, plutôt que de dire qu'il ne pouvait pas se fermer. Il ne veut pas cesser de tenir étendus ses bras qui, par leur vaste embrassement, semblent appeler le monde entier à venir s'y jeter. Dans ses bras, il y avait place pour tous. C'était un asile assez vaste pour tout l'univers. Si, en tenant ses mains élevées sur la croix, Jésus faisait un sacrifice du soir au Père éternel, en les étendant il faisait, pour ainsi dire, aux hommes le signe sacramentel que nul n'était exclu de son invitation ni de son accueil. Il voulait porter avec lui au tombeau la forme et la figure du crucifié. Et Marie comprit pourquoi les bras étaient roides, et elle s'abstint de la douce violence qu'elle allait employer. Il faut qu'il soit enveloppé dans le linceul sous cette forme autant que possible, prêchant un amour vaste et immense, et nous invitant jusqu'à la fin. Maintenant Marie doit jeter son dernier regard sur ce visage inanimé. Pour les mères, il y a toute une longue vie dans le dernier regard, qui nous dira ce que fut celui de Marie. Qui eût été surpris si les yeux de celui qui était mort, se fussent ouverts, et si ses lèvres se fussent séparées sous la flamme de ce regard vivifiant. Avec quel effort héroïque Marie a noué le linge autour de la tête de Jésus et a fermé le linceul sur son doux visage. Et maintenant il y a, en vérité, des ténèbres autour d'elle. Ce corps inanimé était lui-même pour elle une lumière et un soutien. Ce sont ses propres mains qui ont éteint la lampe, et maintenant elle se tient en face de la nuit épaisse. Femme courageuse, des heures de contemplation extatique sur cet éloquent et silencieux visage se seraient écoulées comme des instants. Mais pour Marie, c'était là un temps de religion, et non le temps de s'abandonner à sa tendresse, et elle perça son propre cœur de part en part, de la même main avec laquelle elle voilait le visage de son fils. Mais, ô Marie, vous voyez ce visage maintenant, et vous vous rassasiez de sa beauté, et vous vous en rassasirez éternellement, et ne serez jamais satisfaite, même lorsque vous le serez toujours, ô Mère heureuse et bénie. Lorsque nous passons du récit au caractère particulier de la sixième douleur, nous sommes frappés tout d'abord d'un trait particulier, qui ne cesse de se montrer partout dans cette douleur, et qui nous entoure continuellement d'images de la Sainte Enfance et du Saint-Sacrement. La Passion semble disparaître à nos yeux, comme si elle n'était que le fondement de l'édifice dont la partie supérieure est toute sculptée de symboles de Bethléem et de l'autel. Dans toute cette douleur, il y a à peine une action ou une attitude de Marie qui ne nous rappelle aussitôt les anciens jours de la mère et de l'enfant, ou les jours à venir du prêtre et de l'hostie. Lorsque Marie tombe à genoux pour recevoir le corps, et qu'elle reste agenouillée en le tenant dans ses bras pour que les autres l'adorent, quand elle le serre et le touche avec la plus tendre vénération, lorsque la sollicitude et la responsabilité à l'égard du corps de notre Seigneur sont la préoccupation de son cœur, et que sa douleur vient de la crainte du sacrilège, nous ne saurions nous empêcher d'avoir le Saint-Sacrement présent à la pensée. La conduite extérieure de Marie paraît comme le modèle d'où l'Église a tiré ses rites pour la messe, la bénédiction ou la procession. Son état intérieur semble l'idéal de ses dispositions intérieures qui devraient appartenir à tous les bons prêtres comme gardiens du Saint-Sacrement. En une certaine mesure, la même ombre prophétique de l'adoration du Saint-Sacrement est visible dans les actions et dans les gestes de Joseph et de Nicodème, de Jean et de Madeleine. Ainsi, une série entièrement nouvelle d'idées se présente avec cette sixième douleur. Tandis qu'elle semble n'être que le complément du crucifiement et n'en pouvoir être séparée que par une ligne imaginaire, nous trouvons que l'esprit intérieur, les exemples, les allusions, la doctrine et les figures de cette douleur appartiennent à une région entièrement différente de celle de la Passion. Cela nous révèle la différence réelle qui existe entre cette douleur et les deux qui l'ont précédée. La liaison mystique du Saint-Sacrement avec la Sainte Enfance a été traitée longuement ailleurs. Saint-Sacrement, livre second. Le Saint-Sacrement est, pour ainsi dire, la continuation réelle de la Sainte Enfance de Jésus, en mémoire de sa Passion. Ainsi, dans la sixième douleur, il semble que notre Seigneur n'eût pas plutôt consommé l'œuvre de sa Passion qu'il commença de présenter quelques traits de l'état où il plaisait à son amour de demeurer à jamais avec son Église dans le sacrement de l'autel. À compter de cet instant, les anciennes images de Bethléem reparaissent, comme si elles avaient été tenues en arrière pour un certain temps, et elles reviennent plus claires et plus précises sous la forme de présages du Saint-Sacrement. Ce n'est pas une circonstance isolée de la sixième douleur, c'est plutôt l'idée vitale qui nous donne le mot des détails, et caractérise les dispositions de Marie, ainsi que les leçons que nous devons en retirer. Il se trouve une particularité qu'il nous est impossible de comprendre entièrement, mais que nous devons avoir constamment présente à l'esprit, parce qu'elle indique le plus grand abîme de douleur auquel ce mystère est atteint dans l'âme de notre Sainte Mère. Ce fut l'éloignement de la vie en Jésus. Peut-être Marie ignorait-elle jusqu'alors combien cette vie l'avait soutenue, et combien elle en avait reçu de service. Pendant 33 ans, elle avait vécu de la vie de Jésus. Cette vie avait été son atmosphère. Il y avait eu une sorte d'unité de vie entre Jésus et Marie, le cœur de la mère avait battu dans celui de son fils. C'était par les yeux de son fils qu'elle avait vu, par ses oreilles qu'elle avait entendu, elle avait, pour ainsi dire, parlé par ses lèvres et pensé avec ses pensées, comme elle l'avait fait en composant et en chantant le Magnificat. Jamais auparavant mère et fils n'avaient été ainsi fondus l'un dans l'autre. Jamais deux vies n'avaient paru tellement identifiées. Et comment l'une d'elles, la moindre et la plus faible, demeurera-t-elle seule? La séparation du corps et de l'âme paraît moins réelle que la séparation de la vie de Marie de celle de Jésus. Peut-être fut-ce à cause de cela, et pour suppléer à ce manque mystérieux de la vie humaine de Jésus, que les espèces de l'Eucharistie restèrent en Marie sans se corrompre durant le reste de sa vie, d'une communion à une autre. Nous avons quelquefois vu des mères et des fils approcher de cette unité de vie, surtout lorsque le fils était le seul enfant et que la mère était veuve. Chez ces mères, comme chez la Sainte Vierge, c'était la vie de la mère qui était attirée dans la vie du fils, et non celle du fils dans celle de la mère. Le tableau d'une telle mère et d'un tel fils est un des plus touchants que la terre puisse offrir, touchant parce que les racines de leur amour ont poussé non sous le ciel découvert de la prospérité, mais dans l'abîme secret des chagrins domestiques. La grandeur et la beauté du tableau sont en proportion de l'ardeur de cette fournaise d'agonie dans laquelle les deux vies se sont fondues en une seule. Mais, si nous y portons nos regards, nous tremblons en nous demandant comment l'inévitable séparation de la mort sera supportable. Et cependant, quelle ombre faible de Jésus et de Marie que ces unions des filles et des mères de la terre.